Donc Allah a imprégné la foi dans leur cœur. Donc ce verset-là, il est en harmonie avec un autre, avec un hadith qui se trouve dans Sahihain, dans le Bukhari Muslim, dans les deux Sahih. Bon, on va dire le hadith après, inshallah. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.